ayons besoin. Ah. Attrapé par l'atmosphère. Puissant. Enveloppé par la vapeur. Ninja. About to make noise, about to make sound, about to share it. Ninja! Yeah. We are. Yeah. We are. We are. Ninja, man. Ninja, man. Along the way, push, push. Possibilité d'action, possibilité d'être étrange, à peine approprié une session. Quoi dire, quoi faire, ça devient compliqué. Restez bien tanké sur mes pieds, deux pieds dans l'air. Arthur Rimbaud, quoi. Regardant les étoiles. Fallait faire option. Comme s'il en pleuvait, comme si, comme si, ça ne devrait jamais finir, comme ninja, c'est pas. Avec une expérience. Ah. Oh! We'll be right back.